chronique BD. On va commencer avec Mon voisin Raymond de Troubs aux éditions Futuropolis. En fait, Troubs est un auteur de BD qui adore voyager. Il est parti au Turkménistan, au Mexique avec Raymond Baudouin. Et en fait, là, il va raconter la vie de son voisin Raymond, comme le titre l'indique. Raymond est un vieux monsieur, il a 80 ans passés, il vit en Dordogne, dans la ferme voisine. Et il a un rapport à la nature et au temps qui est très différent de ce que Troubs peut avoir. Et on va le suivre pendant toute une année complète. On suit peut-être 5-6 pages par mois, et on voit la vie de Raymond évoluer avec les saisons. C'est très tendre, très calme, très reposant comme lecture, et c'est peut-être un petit peu une apologie du paradis perdu, car Raymond est très heureux, mais au final, c'est presque plus la transmission d'un savoir ancien qui est un peu perdu à l'heure actuelle. Et c'est pas pour autant nostalgique. Voilà, c'est une très belle bande dessinée sur deux hommes qui apprennent à se connaître par petite touche. Mon voisin Raymond de Troubs aux éditions Futuropolis. Les chroniques BD. Irena, une BD de Jean-David Morvan et Séverine Tréfouel pour le scénario et de David Evrard pour les illustrations. Une série publiée chez Glénat, collection Tcho. Irena est une fiction librement inspirée de la vie d'Irena Sendlerova, cette femme qui a réussi à faire sortir des milliers d'enfants du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, Irena participe à l'aide sociale dans le ghetto. Puis, peu à peu, elle met en place tout un tas de stratagèmes pour faire sortir des enfants du ghetto et finalement leur sauver la vie. Cette BD attire d'emblée par son dessin très doux, un peu enfantin. L'illustration ne rend pas l'histoire plus supportable, mais permet de restituer l'émotion sans tomber dans le pathos. Avec un sujet très sombre, les auteurs parviennent à rendre cette histoire lumineuse. De plus, le scénario est rythmé, il y a de l'action et du suspense. Comment ne pas trembler quand le véhicule d'Irena, rempli d'enfants cachés, passe devant les gardes nazis? Cette BD est une vraie réussite. Initialement prévue comme une trilogie, elle comptera finalement un quatrième tome, et 3 tomes sont parus à ce jour. C'était une BD proposée par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales. Cette BD est donc disponible à Remiremont. Les chroniques BD. Jim Hawkins de Sébastien Vastra, édition Ankama. Jim Hawkins, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est le jeune héros du roman L'île au trésor. En effet, Sébastien Vastra signe ici une adaptation fidèle du roman d'aventure de Robert Louis Stevenson. Un avenir de commis de cuisine et l'auberge familiale en héritage, Jim Hawkins sait qu'il ne restera pas longtemps sur la terre ferme. Son regard est ailleurs, tourné vers cette ligne de mer posée sur l'horizon, promesse d'inconnu et de mystère. Il suffirait juste d'un pas vers l'océan pour embrasser cette vie et devenir un autre. Il suffirait d'un coup de pouce du destin ou de Bill Bones, ce vieux loup de mer fraîchement débarqué avec sa précieuse carte, pour que Jim bascule dans le tourbillon de l'aventure. Dans cette BD, les personnages sont représentés sous les traits d'animaux et les illustrations sont somptueuses. L'auteur a travaillé 3 ans sur le premier tome et 2 ans sur le deuxième. Le travail est soigné, abouti. Avec Sébastien Vastra, on a affaire à de la BD de qualité. 2 tomes sont parus à ce jour sur les 3 prévus. Et donc c'était une BD proposée par la médiathèque de la Porte des Vosges méridionales. Et cette BD, donc les 2 premiers tomes, vous pouvez les retrouver à la médiathèque à Saint-Nabor. Et c'était Jim Hawkins de Sébastien Vastra. Les chroniques BD. Alors, 4 jours de descente de Grégoire Bonne, paru aux éditions Mosquito. 4 jours de descente, c'est le temps qu'il faut au personnage principal pour se rendre compte que lui a été désigné juré dans un procès pour meurtre et il a l'intime conviction, même pire que ça, il est persuadé que l'assassin n'est pas coupable. Il le sait, mais comment peut-il le savoir? Voilà, c'est toute la question que se pose ce personnage et se pose le lecteur dans ce polar à tiroir redoutable. Le dessin de Grégoire Bonne est très expressionniste, tout en noir et blanc, a une atmosphère oppressante, on se sent mal en même temps que ce personnage. Au fur et à mesure qu'on découvre les tenants et aboutissants de cette énigme. Vraiment un polar atypique. Il n'y aura pas de suite, l'histoire est complète. C'est 4 jours de descente de Grégoire Bonne chez Mosquito, et Grégoire aura la gentillesse de venir dédicacer son ouvrage à la librairie L'Octopus le samedi 21 avril à partir de 15h30 à Épinal. Les chroniques BD à retrouver tous les vendredis à 8h et à 13h30 sur Radio Guimauzo, en partenariat avec la librairie L'Octopus. La librairie L'Octopus, spécialisée bande dessinée, manga, comics et romans de l'imaginaire, science-fiction, fantasy, à Épinal, 15 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, quartier Gare, ouverte du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Le réseau des médiathèques de la Porte des Vosges méridionales, c'est plusieurs sites. Remiremont, Saint-Étienne-les-Remiremont, Saint-Nabord, Vecoux, Éloy et Don Martin-les-Remiremont. Vous pouvez réserver à n'importe quelle médiathèque. La BD arrivera là où vous avez réservé. Et bien sûr, vous pouvez déposer les BD dans n'importe quel site. Vous avez aimé une BD, vous aimeriez partager vos lectures avec les auditeurs? N'hésitez pas à appeler Radio Guimauzo au 03 29 62 40 40.